Moi, j'ai très très peur d'oublier mes morts. J'ai très peur qu'ils soient plus là de manière glissée et filée dans mon quotidien. Et je suis très attachée à ces petits objets qui les invoquent de manière très simple et sans drame. J'ai un couteau à beurre de ma grand-mère. Voilà, je sais que c'est le couteau à beurre de ma grand-mère. Et des fois, je me fais des tartines avec ce couteau à beurre, pas toujours. C'est comme un mini rituel quotidien où, hop, ma grand-mère, d'un coup, elle est là et je peux dire, si quelqu'un est à côté de moi, je dis, ah, c'est le couteau à beurre de ma grand-mère. Hein. Et j'ai ça aussi avec Pauline, une amie qui est du coup morte. Elle m'avait offert une cuillère à la taille parfaite. C'est une cuillère qui est ni trop. C'est pas une petite cuillère, mais c'est pas non plus une grande cuillère. Elle a une taille qui est très polyvalente et je sais que je suis très très attachée à cette cuillère. Bon, bah alors peut-être que. Mes morts, c'est une collection de couverts finalement. Mais du coup, je m'en sers, je mange des yaourts et ça évoque ça directement. Plus que des photos, je préfère les cuillères aux photos, je crois. Si je dois nommer un objet qui est le plus dans mon quotidien, c'est le couteau. Je l'adore, il a la bonne taille, il tient dans la paume de la main, il a un bon poids, j'adore sa densité. Elle l'a choisi avec soin, il me ressemble, enfin voilà, c'est mon couteau. Elle m'a laissé deux, trois choses, la cassette de reggae notamment. C'est une vieille cassette qu'elle avait parce qu'elle écoutait du reggae, elle savait que je détestais ça. C'est des petits cadeaux un peu empoisonnés de Pauline. Le t-shirt, c'est sa sœur qui me l'a donné après le décès. C'est pas elle directement. Une petite veste qui me fait le même effet que le couteau. Parce qu'elle était à nous deux. Et là, physiquement, elle peut plus être à nous deux. Et pour le coup, ça, c'est hyper agréable, parce que c'est une sensation. C'est pas juste un truc qui est dans ma poche, c'est un truc que j'enfile. Tu vois, dans les rêves que je fais où on est tous là et elle aussi, bah, c'est hyper tactile souvent. Ça m'arrive d'avoir l'impression de la prendre dans mes bras et tout. Elle se manifeste plutôt par son absence. C'est plutôt comme ça que je le ressens, moi. C'est dans des habitudes de vie où elle était un peu. C'était un peu la référence pour moi, d'aller à un vernissage, par exemple, d'art contemporain, aller prendre un thé. On a tout le temps habité le même quartier, donc on avait des habitudes comme ça, d'aller au marché, d'aller boire un café, d'aller faire du vide-grenier à côté. C'est plus ce manque-là, en fait, qui me fait beaucoup penser à elle, quoi. Moi, j'ai galéré à faire le deuil, enfin, faire le deuil. J'ai eu plein d'étapes pour comprendre que Pauline était morte, parce que moi, j'habitais Berlin, elle habitait en France. Donc, de toute façon, elle n'était pas dans mon quotidien. Je lui ai envoyé un texto une fois par mois pour lui dire Ah, je pense à toi, ou qu'est-ce que tu penses de cette chemise? C'était un peu mon conseil mode. Ce qui fait que quand. Ouais. Après, elle est réapparue super fort dans mon quotidien quand elle est tombée malade. Mais c'est Pauline avec un cancer qui est réapparue très fort dans mon quotidien. Donc c'était un truc très particulier. Mais du coup, ça fait que quand Pauline malade est morte, j'avais pas compris que mon amie Pauline, qui n'est pas malade, elle était morte aussi. J'avais pour le coup, encore envie de lui envoyer des textos en disant qu'est-ce que tu penses de cette chemise? J'ai choisi un lieu où je peux boire un café avec elle. C'est un café où on allait souvent à Paris, qui est pas très loin de là où elle vivait dans son dernier appart. Et c'est marrant parce qu'on a quand même vécu longtemps ensemble à Nantes, ensemble ou séparément, mais je me suis pas choisi de lieu ici. C'est comme s'il fallait que j'aie une petite translation quand même pour faire cette démarche qui pourrait plus s'apparenter à ce que font les gens quand ils vont sur une tombe. Peut-être. Alors qu'en fait, dans ma vie de tous les jours, Pauline, elle est là, j'ai pas spécialement besoin d'aller là-bas. C'est juste que quand je vais boire un café là-bas, je sais pas, il y a un truc. Il y a un truc du petit croissant, il y a un truc de la chaise vide à côté de moi, il y a. Ça devient. L'absence se matérialise. Je viens peut-être y chercher une émotion particulière, éprouver ce manque-là, tu vois. J'ai un truc qui m'a un peu marqué, c'est que quand on est revenu de ces derniers moments avec elle, dans le sud, dans les Landes, et je suis reparti notamment avec un pot de confiture d'abricot, qui était délicieux, Et que j'ai pris le temps de manger, en fait. Et voilà, mais c'était juste un pot de confiture d'abricot chez moi, quoi. Rien de plus. Sauf que le jour où j'ai, sans trop y penser, je suis arrivé dans la cuisine, j'ai fait une tartine, quoi, et puis j'ai fini le pot. Et j'ai fondu en larmes, sans trop comprendre pourquoi. On parlait des traces qu'on laisse. Et je pense que Pauline, elle avait vraiment... Enfin, elle disait, ouais, j'ai peur que vous m'oubliez. Dans ces discussions-là, je pense comme tout le monde, j'essayais aussi d'être rassurante en disant bah, « c'est pas possible, t'as vraiment trop un sale caractère pour qu'on puisse t'oublier comme ça ». Et aussi, non, bah, comment un prénom, c'est vivant, comment... Je pense à plein de moments où je me balade la nuit, je vois les lumières dans les maisons, je me souviens qu'on aimait bien faire ça, balader la nuit et dans les quartiers, et puis... Quand il y a la lumière, on regardait ce que faisaient les gens dans leur quotidien le soir, comme ça. C'était quelqu'un de très curieux, Pauline. Moi, j'ai l'impression que dans ces moments-là, elle est à côté, elle donne un petit coup de coude comme ça en faisant « Hey, tu te souviens ?» Un peu comme ça, quoi. Mais j'aime bien que ça se passe comme ça. Pauline, qui savait qu'elle allait mourir, elle ne voulait surtout pas que ses photos se retrouvent un jour à Emmaüs. Elle ne voulait pas qu'elle soit comme ça, jetée... en pâture à la... C'est même pas la mémoire publique, tu vois, c'est une sorte de... Non, fosse commune, c'est pas le bon terme, mais quelque chose qui est complètement détaché de sa vie et où, pour le coup, tu deviens vraiment très très fort un fantôme sans attache, quoi. T'es plus le fantôme d'un lieu ou dans une communauté de gens. Moi, j'ai jamais aimé, tu vois, même dans les histoires d'amour et des trucs comme ça, là. Quand ça se termine, j'ai jamais trop aimé... qu'on efface tout, ça fait partie de moi, en fait. Chaque jour qui s'écoule fait partie de moi. Et je dis bien « fait partie de moi », c'est pas « a fait partie de moi ». Donc je vois pas pourquoi je parlerais de Pauline au passé. C'est un gros cale-porte. J'aime bien, il a une texture un peu d'annuaire. Avec à l'intérieur une succession de dessins qui remplissent à peu près tous le même cadre, divisés par chapitres qui correspondent à des mois. Il y a un côté très éphéméride et il y a assez peu de textes à part chaque texte d'introduction qui retrace un peu le contexte de ces dessins et le pourquoi de leur publication. Pauline elle a eu un cancer du sein. À l'occasion de ce cancer du sein, moi, je lui ai fait un petit livre sérigraphié qui s'appelait Baston. Et où c'était, en gros, Pauline va niquer le cancer, quoi. Hop, je finis Baston, on pense que ça s'est bien passé. Et puis, quelques mois plus tard, j'ai un coup de fil de Pauline qui dit « Bon, c'est reparti, il va falloir que tu refasses un livre. » Elle m'explique qu'elle a une tumeur au cerveau, que ça risque de pas être la grosse rigolade. Et comme moi, je trouve que sur ces temps longs de maladies hyper lourdes, généralement, il y a une forme d'effusion. Au départ, à l'annonce de la maladie, t'es là et t'es soutenu, mais trouver l'endurance pour être dans du soutien quotidien sur des temps très longs, c'est un autre truc, quoi. Je me dis, bon, bah, ok, je vais... en mode un peu calendrier de l'avant, où je vais lui envoyer un paquet de dessins par mois qui correspondra à 30 ou 31 dessins selon le nombre de jours du mois. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va brûler un dessin par jour jusqu'à guérison complète et totale, dans un truc de sacrifice. Hop, on sacrifie des dessins jusqu'à ce qu'elle guérisse. Tout va très bien se passer, j'ai les choses bien en main. Évidemment, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, déjà, elle brûle à rien du tout. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu sa faute. Parce qu'on ne sait toujours pas si le sacrifice par le feu, ça fonctionne. Finalement, on n'a jamais essayé. Moi, je comprends qu'elle ne les brûle pas. Je continue quand même. Je vais aussi voir Pauline assez régulièrement. Et tout d'un coup, je comprends que c'est des dessins qu'elle montre à d'autres gens, qui servent de support de parole, qu'il y a un petit côté carte de tarot, en fait, où tout d'un coup, ça peut dire, bah, tu vois, moi... je me sens comme ça, pouf, puis qu'il y a un dessin qui résonne et que ça permet ça sur des paroles qui sont, je pense, des fois pas très faciles, avec la souffrance, la maladie, la mort, tous ces trucs très rigolos. Elle a quand même un goût de la collaboration. Il y avait ce besoin vital de créer. Mais il n'y avait pas l'envie de documenter quelque chose, ni à la première personne, ni de laisser quelqu'un documenter ces derniers jours ou ces derniers mois. Elle décide de comment ça va se raconter, ce truc-là. Ça aurait pu être pareil si j'avais fait un film, tu vois. Mais ça, on en a parlé au début de la maladie. Et elle a balayé ça super vite. C'était pas envisageable. On n'allait pas faire ça. Quand arrive l'été et que là, ça devient vraiment très mal barré, cette histoire, et que Pauline sait qu'elle va mourir, Pauline dit un peu qu'elle va mourir, on reparle de cette histoire de dessin, et elle me dit, ben, publie-les. Quand tu meurs, toi, tu fais un livre avec ça. Fallait pas que je me foire, parce que, je veux dire, c'était notre projet. Quand je choisissais les couleurs de couve, je me disais, si je me foire, Pauline, elle va me hanter jusqu'à la fin de mes jours, ça va être affreux. Ce qui fait que pendant, je sais pas, attends, ça fait quoi ? Peut-être pendant 2 ans, moi, j'ai continué à faire un truc avec Pauline. Je faisais guerre. Ah bah moi, je voulais à tout prix en être. J'avais envie d'être, tu vois, co-éditeur, parce que j'avais envie de faire partie de l'histoire. C'était un projet trop important. Enfin, je sais pas, c'était Marion, Pauline, quoi. Enfin, c'est... Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis retrouvé plus dans l'histoire. Bah, elle est surprésente. C'est comme si elle était sur les stands avec nous. Hein. Je veux dire, quand on fait les salons et tout... Bah, on parle souvent du livre, donc il faut expliquer les choses. Donc, ouais, c'est comme s'il y avait une troisième chaise pour elle. Depuis que la douleur est passée, le manque, je l'éprouve pas tant parce qu'elle est là. La relation, elle est construite. Quand il y a un truc qui me pose question, que ce soit affectif, dans le montage, des choix de vie, etc., je sais me référer à elle et me dire tiens, qu'est-ce qu'elle en aurait pensé de tout ça ? Qu'est-ce que t'en aurais pensé de tout ça ? Et qu'est-ce que tu m'en aurais dit ? Mais ça, je crois que c'est conforté, enfin, ce sentiment-là qui est pas très réfléchi, qui est assez simple en moi, qui ne génère pas de douleur particulière. Il est permis par le fait que, ouais, il y a des moments où j'ai l'impression qu'on est ensemble. Qu'elle est là, à côté de moi, qu'elle fait avec moi, qu'elle... Là, je crois que cet hiver, j'en avais un peu plein le cul qu'on soit tout seul. J'ai fait quand même pas mal de rêves de fêtes, ouais, de moments amicaux, conviviaux, etc. Elle était à fond là, quoi. Et on était tous là, à s'aimer, à être contents d'être ensemble, à danser, à faire la bouffe, à boire des petits coups, à ricaner, à lire des bouquins. Mais je reçois l'appel de Jeff Clack sur Feu Follet. Je fais « Ah non, mais moi j'ai un Feu Follet !» Bim ! Allez, Pauline, vas-y, on y retourne et on refabrique, on reparle de ça. Et donc, je l'active super fort et j'active ce truc qu'on a fait à deux devant un micro en me disant « Bon, bah, c'est super, ça va être dans une revue. Il y a plus de gens qui vont savoir ça. » J'ai l'impression d'avoir des petites enveloppes avec Pauline marquée dedans puis de les cacher dans les bibliothèques des gens, tu vois, pour qu'ils les découvrent. Qu'ils disent, mais qui c'est Pauline ? Ah oui, ok, c'est Pauline. Je me sentirais d'entendre sa voix ? Je sais pas, j'y ai pensé là pendant qu'on parlait. Je me suis dit, tiens, j'ai un enregistrement. Un enregistrement qu'on a fait tous les deux au Panama, de nuit, sur un ponton, le jour de ses 30 ans. Où il devait y avoir des vieilles blagues sur le futur. Alors ça, j'ai pas réécouté. Ça se trouve, c'est complètement saturé. Tu vois, il y a le bruit de la flotte, le micro est mal posé. Ça se trouve, ça fait...